La colline, quand on va le voir, on va le trouver. Salam. Abdel Mara, on t'a le Mouazzaf. Là où on t'a le Mouazzaf. On t'a le Mahmoud. Tfaddala. Qadim. Si tu dis Qadim, ça veut dire quoi Qadim? Qadim, ancien. Alors, quand tu dis Qadim, c'est arrivant ou. Qadim, donc, min aina anta Qadim, ça veut dire quoi? D'où est-ce que tu viens? Non, c'est ça. D'où est-ce que tu arrives? Voilà, c'est ça. Je viens de Turquie, je viens de Turquie. Donc, comme il l'a dit, Mahmoud, il vient de Turquie. Mais la Turquie, c'est un pays islam, donc c'est bizarre. Regarde, même là, il dit pas salam alaykoum. Non. Il dit pas salam alaykoum wa rahmatullahi. Là, il regarde, là. Il est en Saoudi, là. Ou peut-être qu'il est d'apparence tellement. Il n'est pas musulman que le Mouazzaf ne sait pas qu'il a affaire. Est-ce que c'est un chrétien, est-ce que c'est un musulman? Je ne sais pas. Donc, il ne passe pas salam. Et il n'a plus de hadith, il ne faut pas quoi, laisser les coups de koufa, il ne faut pas le saluer en premier. De toute façon, c'est peut-être ça. Hein. Regarde, tu as l'image à côté. Regarde Mahmoud comment il est, comme sa cravate. Tu vois? Moi, le Mouazzaf aussi. Hein. C'est tous Aouzoubillah. Ça y est. Le Mouazzaf, Mouazzaf al-Jawazad, à Chakoul. أهلاً بك أهلاً بك هل تسمح بجواز السفر وبطاقة المسلم تفضل أهلاً بك هذا هو الفورمول دي بيانمي تقول أهلاً ومرحباً أهلاً وسهلاً تقول ومرحباً سي كنت أنونس لا بيانمي بول بيرسون. Même tu peux le dire en séparation. Et quand quelqu'un il se sépare, tu peux dire marhaban. Tu peux le dire. Voyez. Al tasmahu bi jawaz al-safar wa bitaqat al-wusul. Me permets-tu de voir en fait, il y a un taqdir, tu ne vois pas, mais c'est de voir, ou de prendre le passeport et la carte d'arrivée. Il n'est pas écrit, mais tu déduis quoi. Mahmoud. Tafadhal. Shukran. Vas-y, donc merci. Ouais, shukran, je vais remercier par merci. Mahmoud, Netadjio, Nahwa Bawabati, le Khourouj. Mahmoud se dirige vers les portes de sortie. Non, Nahouna, c'est le Jarver. Vous voyez, en direction. On peut remplacer par Ila. Non, non, je peux pas. Nahou, c'est en direction. Il y a des sens de Nahou, il y a d'autres sens. Il y a Mouazzaf al-Jawazat. Il a un ta Moutajibou. Moutajibou. Moutajibou. Comment tu dirais? Vers où je te dirige? Non. Moutajibou, il a d'abord d'être rouge. Je me dirige vers les portes de sortie. Non. Dirige-toi vers la pièce de la salle des douanes. La salle des douanes en premier. Non. Fudahui al-Jamalik. Donc, dans la salle des douanes. Mazalenta. ماذا في حقيبتي؟ بعض الملابس. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a dans tes valises. Malabis, c'est des vêtements. Malabis, non. C'est des vêtements. Et Thaoubouni. Pareil. Et Thaoub, c'est un vêtement. Non. Iftahil Hakibata. Hakiba. Hakiba.

طيب أسلم c'est quoi son مضارع مضارع يسلم طيب يسلم ça veut dire quoi son اسم فاعل مسلم طيب مسلم هكذا tous les verbes en quatre lettres à la forme de afala ils font comme ça maintenant un autre verbe ittajaha mathalan ittajaha ce côté là il n'est pas bien pour écrire ça part pas ittajaha ittajaha طيب ittajaha là on fait c'est un ya et on fait le jim طيب يتجه طيب يتجه فاس المضارع طيب في المضارع ايه بقى فاس الفاعل تي رامبلاس لو يا دو مضارع بامين متجه طيب تدي متجه هكذا متجه اي tous les autres même le khumasi et le soudasi, c'est pareil. La première lettre du mudaria, qui est un ya, ou un te, ou un nous, ça dépend du fa'il, du sujet, tu l'enlèves, tu mets un mime avec une dhamma à la place. Tac, t'as le ism fa'il. Et tu mets un tanoum à la fin. C'est tout. Et là, comme ça, là, t'as le ism fa'il, du rubai, du khumasi à 5 lettres, et du soudasi à 6 lettres. C'est pas compliqué. طيب الذي يقول اولا استمع وردد دونك ايكوت اي ريبيت اي لا يبقى تو سامبلومون ميت سان ابليكاسيون اولا محمود يتجه الى البوابه محمود se dirige vers les portails donc comment on va dire محمود متجه الى البوابه là on a quoi متجه on a l'isme فاعل et les deux phrases ont le même sens طيب ثانيا رشيد يقفل الحقيبة محمود كدنس فعل مكدنس لا باليز نعم رشيد مقفل الحقيبة لا هنا اسم فعل مقفل المعنى ايوه نفس المعنى نعم علي يرسل رسالة Ali envoie une lettre. Yursilu, c'est quoi le mot dit Arsala. C'est comme celui-là, Afala. Même wazn, la même mesure. Quand tu dis quoi Aliyun Mursilun Tayyib Risalatan. Même sens. Sabi'an At-ta'ira Tukhli'u Fis-sabah. L'avion décolle le matin. Aqla'a, c'est quoi le mot dit Yukli'u. En fait, je vois. Non, j'ai dit déjà. يكلعو son mardi c'est أقلع نعم ثامنا الطائرة مقلعة في الصباح لو نمي أنت مربوطة على فاق بخوا parce que الطائرة c'est مؤنث attention donc lui c'est une faille il va suivre طيب en genre et en nombre c'est lui que tu veux définir par exemple là مسلم c'est رجل un homme une femme tu veux dire quoi مسلمة mais tu m'as retourné là-bas. T'as vu? Donc c'est pareil pour ces choses-là. Et comme Taïra c'est un mouannef, alors l'isme fa'il va être mouannef. Moukli'atun. Tasi'an. Fatimatu tusafiru il est Pakistan. T'as vu? Fatima voyage au Pakistan. Fatimatu musafiratun il est Pakistan. Donc là c'est musafira. Et c'est le même sens. Hadi Achar, onzièmement, El Waladou Yusli'u fil khuruj. Ça vient du verbe Asla'a Yusli'u qui veut dire se précipiter, se dépêcher. Aller vite. Asla'a, c'est aller vite. Se dépêcher, se précipiter. Ça vient du mot Sul'a. Sinra l'Aïn. Qui sont Al-Mad à l'origine du mot. Donc El Waladou Yusli'u fil khuruj. L'enfant se précipite à sortir.

Yakhruju du nord. Il répond quoi? Et là, tu vas peut-être l'arrêter. Bah, je sais pas, quoi, on entend les gens, ils parlent comme ça. Mais quand tu sais, tu sais. Tu n'es pas obligé de le dire, la harakat, tu peux t'arrêter. Mais tu sais, c'est quelqu'un pense qu'il sait ce qu'il dit. Dis. C'est quoi la harakat de Yakhruj? Après N, s'il connaît, il va dire, tata, halas. Et s'il faut qu'il bégaye ou il cherche, tu dis toi, il faut que tu révises. Ou que tu apprennes si tu ne connais pas encore. Voyez. Rabian. Non, halas. Vas-y, c'est Rabian. Rabian, Adil, Al-Asila, Al-Atiya. Comment est-ce que nous il dit, min aïna anta qadimun. D'où viens-tu? Entre parenthèses, al-qahira. Donc tu dis, anna qadimun nil qahira. Je viens du Caire. Al-qahira, c'est le Caire. Vous faites pareil que les textes sont en dessous. Et entre parenthèses, c'est le nom de ville, de lieu. Al-khultoum, je sais pas si. Khultoum. Non. Du Coran, n'est-ce pas? Ah ouais, mais là, c'est pas. Al-khultoum, c'est soudan, Khartoum, du coup. Je connais pas son son légal en. Khultoum fi Qur'an hada, c'est ça? Non, c'est pas pareil. Là, c'est le nom d'une ville, c'est le nom d'une capitale. Ah oui, son nez là, c'est son nez. Ah, c'est pas pareil dans le Qur'an. Peut-être qu'ils ont pris le mot de la ville par rapport au Qur'an, mais dans le Qur'an, c'est pas le. Ça s'écrit pas comme ça, c'est Khultoum, non? Qui se fait pareil? Allez, ma foi, madame, Arabia. Allez. Le Khamis, il y a quoi? Adib, on a fait une atia qui m'a fait une mauvaise. Le Beit, Arabia. Non. Enfin, il y a une question d'une Aïda à la Pradina. Non. Comment ça? Je suis. Tu sais ce qu'on peut dire? Il est où, Anna? D'où est-ce que j'arrive? C'est juste pour t'apprendre à employer le dormir photo. Là, je ne dis pas à la base. Tu te demandes d'où est-ce que je viens, à part si tu es dans les pommes, tu viens de te réveiller. D'où je viens, peut-être, mais là, c'est en fait tout d'où tu viens. Taïd, Khamisan, il a Eina Anta Muttajihun. Entre parenthèses, il met Beyrouth. Là, c'est pas route, enfin, c'est Beyrouth. D'accord, Eina Muttajihun, il est Beyrouth. Donc là, c'est pareil que l'autre. Vous voyez? Vers où est-ce que tu. Par exemple, il a Aina Anta. Il a Aina Anna Mourad Iratoun. Donc là, c'est une femme qui parle. C'est une femme qui parle. Qu'on a mis à terre là-bas. Anna Mourad Iratoun, il est Dondon. Vous voyez? Il est Dondon. Et le service, c'est le, parce que j'essaie de le lire, apparemment il est un peu. Le service, c'est. Non. Le service, tcha'la, vous voyez, on le fait pas, parce que j'ai regardé un peu le dénoncé là, et il n'est pas clair, il est un peu désordonné. Pas mal? Pas mal. La dash? Et souhait? نعم لا نيف لا لا فهمتو ما فهمتو ما فهمتو محمود يتجه الى الطائره يتجه ما اتجه يتجه se dirige vers l'avion اتجه on a pris dans le vocabulaire ancien. Donc, tu le révises, tu retournes en arrière, tu vas retrouver, Inch'Allah. De toute façon, il est même à la fin. Je dis à la fin, tu as un dictionnaire. À la fin, tu as un mordième. À la fin du livre. Tu vas avoir un livre, tu vas trouver une tajra, il va te dire. Inch'Allah. Est-ce que vous l'avez réalisé avec? Hein? Là? Ça y est, il y a une laouna. Prends la colonne. On a dit qu'il y a une tasse à l'époque.